Michée chapitre 5. Maintenant assemble-toi par troupe, fille de troupe, on a mis le siège contre nous, on frappera le gouverneur d'Israël avec la verge sur la joue. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, et ses issues sont d'ancienneté, dès les jours éternels. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps, que celle qui est en travail d'enfant, aura enfanté, et le reste de ses frères retournera avec les enfants d'Israël. Et il se maintiendra et gouvernera par la force de l'Éternel, avec la magnificence du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils demeureront fermes, car en peu de temps il s'agrandira jusqu'au bout de la terre. Et c'est lui qui sera la paix. Après que l'Assyrien sera entré dans notre pays, et qu'il aura mis le pied dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs, et 8 princes pris du commun. Et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Ninro à ses portes, et il nous délivrera des Assyriens, quand ils seront entrés dans notre pays, et qu'ils auront mis le pied dans nos quartiers. Et le reste de Jacob sera au milieu de plusieurs peuples, comme une rosée qui vient de l'Éternel, et comme une pluie menue qui tombe sur l'herbe, laquelle on n'attend point d'aucun homme, et qu'on n'espère point des enfants des hommes. Aussi le reste de Jacob sera parmi les nations, et au milieu de plusieurs peuples, comme un lion parmi les bêtes des forêts, et comme un lionceau parmi des troupeaux de brebis, lequel y passe en foule et déchire, sans que personne en puisse rien garantir. Ta main sera élevée sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera en ce temps-là, dit l'Éternel, que je retrancherai tes chevaux du milieu de toi, et ferai périr tes chariots. Et je retrancherai les villes de ton pays, et ruinerai toutes tes forteresses. Je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main, et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Et je retrancherai tes images taillées, et tes statues du milieu de toi, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'arracherai aussi tes bocages du milieu de toi, et je détruirai tes villes. Et je ferai vengeance, avec colère et avec fureur de toutes les nations qui ne m'auront point écouté.